Je vais faire un truc, c'est pas bien. Oh putain, en plus, c'est tout coincé. Merde. Oh oh. J'ai fait une grosse connerie. Eh, ça marche encore ? J'ai fait. J'ai manqué.